pareillement. Moi je m'en veux à la mort, même quand tu m'en veux pas, je suis pas sereinement. J'ai ramené la police, j'ai jamais eu autant l'air choumaïma. Et j'arrive de trop loin, t'es la seule sur cette terre qui m'en sera témoin. Et tu m'en as voulu quand tu m'as fait mal.